Bonjour tout le monde, donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau format. Et aujourd'hui, on va tout simplement opter pour un format podcast. Alors, j'ai décidé de faire mes tirages des énergies sous forme de podcast pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me demandait beaucoup de temps de devoir le faire de mon côté, puis ensuite le rédiger en blog et tout ça. Et puis tout simplement parce que j'avais envie depuis quelques temps de le faire en direct et de parler pendant que je le fais. Donc la manière la plus simple pour moi, parce que je ne me voyais pas le faire en vidéo, c'était tout simplement de le faire par podcast. Donc pour ceci, j'ai tout simplement décidé de commencer aujourd'hui le tirage de la nouvelle lune, donc du 15 au 16 avril, il me semble. J'ai tout simplement décidé de le faire avec vous en podcast. Donc je vais de mon côté, interpréter les énergies que je reçois et puis tirer les cartes de mon côté. Et puis on va en parler un petit peu ensemble. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce format? Parce que déjà ça me plaît beaucoup de vous parler et puis j'ai envie de le mettre en place pour plusieurs raisons. Là au mois de mai j'ai un petit projet que je vais vous annoncer dans une vidéo bientôt et pour ça j'avais besoin de déjà commencer un petit peu le podcast pour me faire un petit peu avec cet outil de travail. Donc là si vous entendez un petit peu de bruit entre deux c'est que je suis en train de battre les cartes, c'est pour ça. Donc j'avais besoin de me faire un petit peu à cet outil de travail et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de commencer par mes tirages des énergies de nouvelle lune. Je ne ferai plus la pleine lune par contre, tout simplement parce que pour moi la pleine lune a toujours été très violente et là dernièrement la dernière pleine lune elle a été horrible pour moi, ça a été une période très dure et du coup je me sens pas de faire le tirage de la pleine lune parce que comme mes énergies à moi ne seront pas très très bonnes, je pense que inconsciemment je biaiserai les autres énergies en y ajoutant mes énergies à moi qui sont pas très très cool. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter et de ne faire que la nouvelle lune. Donc en parlant de nouvelle lune, on va faire le tirage donc de cette nouvelle lune. Alors qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour cette lune? Donc il va se passer des choses un petit peu imprévues. On va donc conclure un petit peu des choses. Donc si vous êtes lancé un petit peu par exemple dans un nouveau job ou que vous avez postulé à des emplois ou alors que vous avez des choses qui sont en préparation que ce soit au niveau perso ou au niveau pro, ça semble être une bonne période là pour conclure un petit peu tout ça. On sent un petit peu la signature de contrat, on sent une bonne période. Étonnamment la première partie du printemps, là, la première lunaison n'a pas été top, mais on sent que cette lunaison-ci, ça va beaucoup mieux se passer. On voit un petit peu des énergies beaucoup plus claires, mais voilà. Donc après, on voit des énergies plus claires, mais c'est pas pour autant qu'il faut céder un petit peu à l'euphorie de cette nouvelle énergie. Mais il faut rester prudent, mais on sent que les énergies s'éclaircissent un petit peu. Donc il faut avancer pas à pas avec prudence, mais on sent que ça va un petit peu mieux. Parce que là, le début de printemps a été un petit peu compliqué. Notamment avec la pleine lune là qui a été assez dure et pas que pour moi visiblement parce que j'ai eu des échos un petit peu de lune qui ont été assez dures. Donc si on va un petit peu plus loin donc, dans ces énergies, là on sent que on a vécu une période un petit peu douloureuse, il faut prendre du temps pour soi, il faut un petit peu se calmer avec tout ce qui nous entoure et redevenir un petit peu plus enfantin parce que là déjà au niveau de la météo on voit que ça s'éclaircit, au niveau du temps on voit qu'il est un petit peu plus favorable et du coup faut apprendre à profiter un petit peu du moment présent en ce moment et en profitant du moment présent on va permettre à nos projets que l'on a commencé à établir de naître, de venir jusqu'à nous parce que là on sent que dernièrement les énergies ont été assez lourdes et du coup on est devenu très méfiant, très renfermé sur nous-mêmes, très solitaire, très esselé et là justement faut un petit peu revenir à des énergies plus claires et reprendre un petit peu de temps pour soi, peut-être revoir des gens que l'on n'a pas vus. Peut-être faire un petit voyage, ça pourrait être une bonne période. Si vous pouvez vous le permettre, ça pourrait être une bonne période pour partir en week-end, par exemple, ou en vacances, si vous avez des vacances. On sent que c'est une période où, faut lâcher prise et faut revivre. Parce que là, on est justement entre les deux. On est entre les énergies qui s'éclaircissent et les énergies un peu sombres qui sont toujours un petit peu là. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais faut justement, lâcher un peu la bride, faire un petit peu la fête, se détendre. Parce que malgré tout, le printemps arrive et c'est une très bonne nouvelle pour la plupart d'entre nous. Pas pour les gens comme moi qui venons du nord, parce que moi, quand il fait plus de 25 degrés, c'est une horreur, mais ça, c'est autre chose. Mais l'arrivée du printemps, c'est les oiseaux qui chantent, les papillons, les abeilles, les arbres qui fleurissent. C'est un renouveau, en fait, qui se fait au niveau de la nature complète et qui se fait aussi à l'intérieur de nous. Donc, il faut pouvoir lâcher la bride pour laisser place à ce renouveau. Parce que là, on sent que c'est une période, si on profite un petit peu de tout ça, on va refaire le plein d'énergie, on va refaire le plein de force. force et on sera prêt à affronter la prochaine bombarde d'énergie un peu négative, parce que c'est toujours ça les énergies, un coup ça va, un coup ça ne va plus, un coup ça va, un coup ça ne va plus, pour pouvoir nous faire travailler justement, parce qu'on sait que l'homme est bête et qu'il ne travaille que dans la douleur. Donc on a besoin d'énergie un petit peu négative pour pouvoir travailler un petit peu. Ensuite on remonte dans le positif parce qu'on a appris des choses et on redescend dans le négatif. Donc là on est dans cette période de transition entre le positif et le négatif. On voit qu'il y a eu des ruptures comme souvent en début de printemps, par exemple des ruptures amoureuses ou des ruptures amicales. On voit que ça a eu lieu, qu'il a fallu faire des choix assez compliqués et du coup là c'est le moment de se poser et de ne pas se prendre la tête, parce que là du coup le début de printemps, la dernière lunaison a été assez dure, mais ça a été un petit peu la conclusion, voilà, des apprentissages de l'hiver et du repli sur soi qui a été effectué. Donc voilà, là on est un petit peu dans cette période de renaissance et de renforcement des acquis par l'hiver. Donc là c'est le moment de trouver un équilibre et de ne pas s'emprisonner dans ce que nous a laissé comme trace l'hiver. Voilà, c'est un petit peu les énergies du moment. Là faut un petit peu lâcher prise, faire un petit peu si vous êtes jeune et que vous aimez bien sortir tout ça, peut-être faire un petit peu la fête. Faites attention un petit peu à vos économies quand même, parce que bon voilà, ça va pas tarder d'être les impôts, tout ça, donc faites un petit peu attention à vos sous quand même, donc faut quand même rester un petit peu dans cette économie là et puis le changement de saison est toujours assez compliqué, donc au niveau de vos énergies, qu'elles soient cosmotelluriques ou juste de vos énergies physiques, faut un petit peu s'économiser, mais faut commencer un petit peu à lâcher prise. Là c'est le renouvellement, c'est la nouvelle vie qui commence avec le printemps, tout ça. Là il faut y aller, faut pas hésiter, faut pas continuer à se renfermer comme ça a été le cas cet hiver. Et puis là voilà, on a acquis une certaine sagesse, une certaine prestance, et il faut laisser un petit peu les choses faire leur cours, et ce qui doit venir de l'extérieur viendra de toute façon. Donc autant profiter du moment que l'on a, pouvoir mieux accueillir ce qui arrive de l'extérieur. Comme là je vous dis, c'est une période un petit peu d'engagement, tout ça, donc cet hiver ça a peut-être été un petit peu compliqué, mais là ça va un petit peu se résoudre. On a réussi cet hiver à trouver les bons outils pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement ne plus faire les choses au hasard, parce que ça a peut-être été ça le problème. Pour ma part par exemple, c'était un petit peu ça le souci. Et là, on a réussi à trouver un petit peu les outils pour pouvoir être plus serein, être plus calme, être plus posé. Donc là, c'est la période. On se pose, on fait un petit peu la fête, on profite, on se détend. Voilà, on a eu un hiver assez dur, un début de printemps très dur. Et là, c'est le moment, voilà, justement, de profiter. Donc voilà, je pense que c'est le message de ces énergies, de cette lunaison. C'est de profiter. Alors, peut-être le calme avant la tempête, on ne sait pas. Mais là, on sent que voilà, cette lunaison, elle est beaucoup plus légère. Les énergies sont beaucoup plus apaisées. Parce que c'est vrai que cet hiver c'est un peu dur, mais c'est souvent ça de toute façon l'hiver. Non seulement on se replie sur nous parce que y a la neige, on ne peut pas forcément circuler, tout ça, mais aussi parce que les énergies sont un peu plus lourdes, elles sont entre guillemets moins lumière. Alors peut-être parce qu'il y a moins de soleil, on ne sait pas, mais voilà, elles sont moins lumière et du coup c'est un peu plus dur à vivre. Mais là on sent que c'est le moment, quoi. C'est le moment de lâcher un peu prise. On est dans la transition entre on a vécu des choses lourdes et on va rentrer dans des choses beaucoup plus lumières. Donc là, c'est le moment de rentrer dans la lumière et de vivre pleinement ce printemps qui est super joli. En tout cas, pour nous dans l'Allier, il fait généralement beau. Il y a quelques moments de pluie, mais bon, on est dans l'Allier, en Auvergne. Bon, voilà, il y a toujours de la pluie. Mais de manière générale, il est beau. Il y a les fleurs, il y a les oiseaux, il fait bon, tout ça. Donc c'est le moment de profiter un petit peu de tout ça, de recommencer à aller boire un petit café en terrasse et tout ça. Ça ne fera de mal à personne. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère que ce format vous plaît. Moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt sur mon site internet. J'espère que vous allez tous très très bien. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à consulter mon site internet pour un peu plus d'informations. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt. Bye!